Allez, Nordine. Camion juge-prison, suis-nous. Tu sais que t'as encore 20 minutes pour changer le cours de ta vie. Y a pas de marche arrière. Si tu dis un mot, un seul mot, t'es dehors. Tu te mets à négocier comme les épiciers maintenant. Je faut qu'un deal avec les ports. Beau choix de vie. Bravo. Niquer 5 ans de sa vie pour des donneuses. Peut-être, mais je préfère prendre 5 ans que mener ta vie de merde. Sache-le. Allez. Bah, allez.